Bonsoir, je suis passionné par cette période parce que j'ai vécu dedans quand j'étais tout petit. Et j'ai qu'une seule question à poser. Quelle est l'importance de la presse ? La presse, pas la presse métropolitaine, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je parle de la presse algérienne avec l'Écho d'Alger. Pour moi, je vois ça comme une caricature. Vous avez les colons qui ont la main sur cette presse, l'Écho d'Alger, qui envoie des vomissures pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'en prends qu'une seule, c'est sur ce bon maréchal Lyautey qui a fait de bonnes actions au Maroc pour faire monter la population marocaine et qui se fait traiter de PD par l'Écho d'Alger dans les années 30. Alors, ma question est, je vois les colons donnent de l'argent à cette presse algérienne d'Alger, etc., etc. Et puis cette propagande après qui agit sur la communauté algérienne européenne, algérienne israélite et algérienne musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bonsoir, merci. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était que, Gilles, en fait, tu as dit qu'il y avait eu une rupture un peu au sein de la droite avec le virage qu'a pris De Gaulle au moment où il décide effectivement donc de faire l'indépendance. Mais je me demandais quelle expérience on avait tirée de la décolonisation de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française qui avait eu lieu un peu plus tôt et qui s'était passée dans d'autres conditions. Donc, quand même, la question de l'indépendance et de la décolonisation était posée. Et ce que j'en ai cru comprendre, dans d'autres termes, qu'elle s'est posée avec la question algérienne. Et puis la deuxième question que j'avais, c'est par rapport à cette impensée de la décolonisation que vous avez décrite, donc du discours qui est présent juste dans la 4e République et totalement absent par la suite. Moi, il me semble quand même avoir envie de dire qu'il est peut-être moins de temps pensé que l'idée, c'est qu'en gros, ils ont voulu leur indépendance, ils l'ont eue. Et ça nous, finalement, je parle des pratiques des administrations, de la pratique judiciaire hein, quant à l'accueil de des ressortissants des anciennes colonies, qui a un côté peut-être, de l'ordre d'une vengeance d'État, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Et après, moi, je le vois tout à fait dans les questions liées à l'accès à la nationalité, où pour le coup, le débat se cristallise aujourd'hui sur la question du droit du sol. Mais c'est peut-être la nationalité de ces ex-colonisés nés dans les anciennes colonies et qui pourtant peuvent prétendre à la nationalité de droit qui est, par contre, totalement... une stratégie, clairement, d'éradication de cette population-là qui pourrait avoir accès à la nationalité par le droit et par les faits, finalement, des conséquences de l'indépendance. J'ai une question. Est-ce que tu as pu étudier la composition un peu sociale des militants de l'OS ? Oui, c'est pas tellement une question que je voulais poser que, étant donné que j'ai pratiqué, moi j'étais en Algérie au moment du cessez-le-feu et j'étais à Alger quand il y a eu l'assassinat des inspecteurs des centres sociaux par l'OS du Château Royal, et j'étais avec toi, Alain, à Évian pour l'anniversaire, là, et j'ai vu comme toi ces nostalgériques excités et menaçants. Non, mon intervention, ce serait pour prolonger, donc je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu as faite, et je crois qu'elle est très utile, et prolonger la réflexion de Gilles Manceron sur la présence de cet esprit colonial. Il y a eu en effet un vide, un discours national qui n'a pas su gérer réellement la situation coloniale. Et la question que je me pose est la suivante, c'est que nous avons encore aujourd'hui une situation coloniale qui existe en Nouvelle-Calédonie en particulier. Elle existe. Et quand l'affaire d'Algérie s'est produite, on avait aussi bien aux Antilles qu'à La Réunion même des mouvements indépendantistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, le problème de l'Algérie se posait sur un fond colonial. Alors, la question de l'Algérie a été réglée dans des conditions absolument épouvantables, après 8 ans de guerre, bien sûr, mais la réalité coloniale dans un certain nombre d'autres parties est toujours la même. Alors, ça c'est, je pense, d'une certaine façon... J'ai été préfet de La Réunion, hein, je connais aussi cet aspect-là. L'arrivée, pour le coup, du gouvernement socialiste en 1981 avec la proportionnelle a permis un certain nombre d'avancées et de ne plus poser le problème en termes d'indépendance ou de maintien dans la République. La question, c'est réglé à peu près de la même façon aux Antilles. Hein, à l'intérieur de la République, il y a une décolonisation, réellement, enfin, on peut le dire. En tout cas, il n'y a plus réellement maintenant de revendication d'indépendance. Mais le problème reste posé d'une façon dramatique en Nouvelle-Calédonie. Il l'est moins en Polynésie, car en Polynésie, il n'y a pas de colonisation de peuplement. Et ceci est une façon de répondre à la question de madame. C'est que la différence avec l'Afrique noire et l'Algérie, c'est qu'en Algérie, on avait une colonisation dite de peuplement, c'est-à-dire 1 million de Français qui étaient là depuis plusieurs générations et qui considéraient ce pays comme le leur. Situation, si vous voulez, comme de l'Afrique du Sud. Ça n'était pas le cas en Afrique noire. Et ça n'est pas le cas en Polynésie, où la Polynésie, finalement, est quasiment indépendante. Elle n'en a pas le titre, mais elle a son drapeau. Elle fonctionne comme si elle était d'indépendance avec une aide financière forte de la France. Mais le problème calédonien est resté posé. Et ce qui me préoccupe, et là, je suis content de m'adresser, de dire ça devant des gens qui, à la Ligue des droits de l'homme et au monde diplomatique, sont attentifs à ces problèmes-là. Et le monde diplomatique, au moment de l'affaire d'Ouvéa, a été très, très actif. Hein. Ce problème n'est pas réglé. Et ce qui m'inquiète, et c'est ce que tu as dit, Gilles Benceron, c'est qu'en effet, on a encore des réflexes aujourd'hui, hein, dans l'opinion, au niveau des responsables politiques, on l'a encore au niveau de l'opinion. Si on imagine de reconnaître l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie pour justement éviter les 8 ans de guerre qu'on a connus, ce sont des choses qui ont du mal à passer. Et je vous donne un dernier exemple et je m'arrêterai là. J'ai assisté il y a un mois à une conférence qui a eu lieu à la délégation de la Nouvelle-Calédonie à Paris, faite par un professeur de droit qui présentait justement comment on va sortir des accords de Nouméa. Il va y avoir un scrutin d'autodétermination dans les 4 ans qui viennent. Et il laissait évoquer l'idée qu'on allait peut-être essayer de s'acheminer vers une solution qui pourrait recueillir l'accord de tout le monde, qui serait en définitive une indépendance association, c'est-à-dire ce que Pisani avait proposé. On reconnaît l'indépendance, la Calédonie est un pays indépendant, mais lié à la France par des liens de partenariat. Ça n'est plus la souveraineté, c'est le contrat. Et à ce moment-là, quelqu'un a posé la question, a dit « Oui, mais qu'est-ce qui nous garantit que dans une situation comme celle-là, ça ne se passera pas comme en Algérie ?» Alors, si vous voulez, et l'extraordinaire, c'est que le professeur de droit a répondu en disant « Mais effectivement, je ne peux pas vous garantir que ça ne se passera qu'en... » Si vous voulez, le fait que, et là, actuellement, un certain nombre de gens à Nouméa utilisent le phénomène, enfin, ce qui s'est passé en Algérie, le modèle de l'Algérie, en disant « Vous voyez, les accords d'Évian auraient dû permettre une indépendance dans l'association. » Ça s'est passé d'une façon épouvantable, les accords n'ont pas été respectés. Or, l'extraordinaire, c'est que dans l'opinion publique française, c'est un argument qui porte. On oublie qu'une chose, c'est que c'est précisément parce qu'en Algérie, on n'a pas su à temps faire cette négociation, et on a eu 8 ans de guerre, et c'est précisément parce qu'on voudrait éviter qu'en Nouvelle-Calédonie, on se retrouve dans la même situation, que l'on parle d'un accord. Et à ce moment-là, tout le monde dit « Oui, mais comprenez, on n'est pas certain. » Donc, mon propos, c'est simplement vous dire « Attention, hein, le problème de la décolonisation reste encore un problème qui est très fort dans l'esprit français. » Alors, c'est vrai, il y a le problème des migrants, ce que vous avez évoqué, mais je dis, n'oublions pas qu'il y a ce problème. Nous avons encore un problème de décolonisation, de peuplement à régler, et je crains, ce que je vois, c'est qu'un certain nombre de réflexes sont toujours là, hein, et qui ont abouti aux affaires d'Ouvéa, hein, c'est exactement ça, et il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans le même mécanisme. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons tous très attentif à cela. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais il se passe quand même des choses à Nouméa et ailleurs, si vous voulez. Donc, le problème n'est pas du tout réglé. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, ce n'est pas une question, mais c'était vraiment prolongé, si vous voulez, et c'est le sens de votre intervention à tous les deux, en définitive. Ben, si vous voulez, moi, je vais répondre surtout aux questions sur l'histoire. Peut-être, Gilles est plus pointu que moi sur les questions très, très contemporaines. Sur l'écho d'Alger, monsieur, vous avez raison. Et d'ailleurs, j'ai en tête une expression justement lyotais, qui, vous savez que lyotais était un grand colonial, hors de question dans mon esprit de tomber dans le schéma d'un lyotais des colonisateurs humanistes, etc. Il a également, non, je ne sais pas ce que vous pensez, mais en tout cas, c'est ce qui apparaît souvent. Et même, il se trouve que j'ai une partie de ma famille marocaine, et quand je vais au Maroc, j'ai parfois le poil un peu hérissé par ce que disent des amis marocains qui idéalisent encore un petit peu trop, à mon avis, lyotais. Bon, mais je ferme cette parenthèse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lyotais était un solide colonialiste. Mais il n'était pas raciste, il n'était pas islamophobe, même si le mot à l'époque existait d'ailleurs, mais il n'était pas encore très employé. Et il avait une forme de respect, incontestablement, pour la société marocaine. Il avait utilisé une expression en parlant des colons d'Algérie. Ils avaient une mentalité de boche. Un boche sous la plume ou dans la bouche d'un militaire d'avant 14, c'était pas très très joli. Hein. Et il avait également des jugements extrêmement durs sur la presse algérienne en particulier. Et il a toujours essayé, tant qu'il a eu le pouvoir, vous savez qu'il a été démissionné en fait en 1926 et remplacé par Steg et surtout par Pétain qui a continué la guerre du Rif. En tout cas, il avait tout fait pour éviter qu'il y ait cette même mentalité au Maroc. La presse coloniale, d'une façon générale, était une presse absolument épouvantable. Et vous pouvez contrôler ce que je vous dis. Je vous cite, par exemple, que l'Écho d'Alger est entièrement numérisé sur le site de la Bibliothèque nationale de France, enfin entièrement jusqu'à 44, hein, je crois, hein, pas la période de la guerre d'Algérie. Mais en tout cas, des années 20 aux années 40, l'Écho d'Alger est entièrement numérisé page par page. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est absolument abominable. C'est les expressions racistes, les mots bicots, etc., par exemple, courent dans tout ce type de presse. Ils étaient très solidement attachés à monopoliser la parole. Je vous donne un seul exemple. Quand Camus fait sa série d'articles d'Alger républicain en 1939, hein, il écrit « La misère de la Kabylie », ce sont des textes désormais célèbres, l'Écho d'Alger trouve que, évidemment, l'Écho d'Alger est immensément plus puissant que le petit Alger républicain, mais malgré tout, il trouve que la voix de Camus commence un petit peu à porter. Camus commence seulement à avoir un peu de réputation, puisqu'il n'a pas encore écrit ses romans, mais il commence à avoir un peu de réputation, et l'Écho d'Alger envoie un envoyé spécial en Kabylie. Cet envoyé spécial s'appelle Roger Frison Roche, qui est beaucoup, beaucoup plus connu à l'époque. Bon, c'est l'homme de la montagne, hein, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connu. Et lui, il ne voit rien. Frison Roche revient avec des articles en disant « Mais non, en Kabylie, tout se passe bien, les gens mangent à leur faim. C'est les inventions des élucubrations des communistes, alors que Camus n'était plus communiste à ce moment-là. » Enfin, bon, voilà un petit peu dans quel esprit ça se fait. Et pendant la guerre d'Algérie, c'est absolument là aussi, vous pourrez trouver sur les sites algérianistes des reproductions très, très complètes de l'Écho d'Alger sur certains sites. Il y en a un qui s'appelle Algérois, hein, Alger près d'Union Roi. Alors, je termine. Parce que ces gens-là avaient le courage de ceux qui étaient seuls à s'exprimer. N'oubliez pas qu'Alger républicain, cette fois-ci dirigé par Henri Alleg, hein, c'est donc le deuxième Alger républicain. Alger républicain est interdit en septembre 55, en même temps que le Parti communiste algérien. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, la seule presse, en tout cas, qui est lue, c'est l'Écho d'Alger, où il y a, comment s'appelait le deuxième? La Dépêche algérienne, ouais, qui était, semble-t-il, un peu moins réactionnaire, on peut dire ça comme ça. Bon. Oui, mais enfin, disons, c'était donc le grand colonna qui, effectivement, alimentait cette presse et prêchait la haine en permanence. Et imaginez, hein, à partir du moment où il y a eu l'insurrection algérienne, cette haine était transpirée à toutes les pages. Et il ne parlait évidemment que des attentats du FLN. Il ne parlait jamais des attentats, par exemple, du groupe d'Akhiari, de la rue de Thèbes, par exemple, qui a précédé les attentats du FLN. Voilà, donc il y avait véritablement une sorte de monopole de l'opinion de ces gens-là. J'en viens à la question sur l'OAS, mais d'ailleurs, la composition sociale, les choses sont d'ailleurs liées. J'avais pris ça dans mes notes, mais je ne vous les ai pas lues. La composition sociale de l'OAS, contrairement à des, peut-être même les idées que moi j'avais au début de mon travail, penser que c'était les gros colons, etc., ce n'était pas les gros colons. Les gros colons, évidemment, finançaient. Il y avait, bon, faut pas oublier qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient énormément d'argent. Mais tout immédiatement après, il faut affirmer que la masse, bon, si on peut parler d'un niveau de vie moyen, le niveau de vie moyen des Français, des Européens d'Algérie, était légèrement inférieur au niveau moyen des Français de métropole, légèrement inférieur. Bon, toutes choses. Alors, il y avait des gros colons, mais la comparaison qu'il faut faire, c'est pas celle-ci, c'est par rapport à la population musulmane ou dite indigène. Là, le fossé était énorme. Tous les foyers européens avaient l'eau, l'électricité. Les gens, même vivant modestement, la mère d'Albert Camus, qui était veuve, par exemple, vivait très modestement à Bellecour. Mais c'est par rapport aux colonisés qu'il faut comparer. Les colonisés, il y avait des ceintures. Il y avait 400 000 bidonvilles autour d'Alger. Le maire d'Alger l'avait dit, Jacques Chevalier. Enfin, les enfants, contrairement à les images de l'Algérie heureuse, les enfants n'allaient pas à l'école. La proportion des enfants à la fin de la guerre d'Algérie était de l'ordre, grâce au plan de Constantine qui avait fait quelques progrès, de l'ordre de 15%. Il y avait donc 85% des gosses qui étaient dans la rue, qui ciraient les chaussures, qui portaient les courses des ménagères, qui vendaient les cigarettes une par une, ou des points de bique, enfin des choses comme ça. Bon, c'est les gens qui ont connu ça, peuvent peut-être témoigner et dire je ne dis pas que des bêtises. Donc voilà, c'est alors à l'intérieur de l'OAS, c'est le petit peuple des villes qui a fourni les gros contingents. Lorsqu'on regarde la composition sociale, je l'ai fait dans mon bouquin, on constate que ce sont des conducteurs de tramway, des petits commerçants, des petits artisans, des toubibs de quartier comme Jean-Claude Pérez, qui était un de leurs leaders les plus sanguinaires d'ailleurs. Et puis voilà, c'était essentiellement ça. Venaient également quelques colons, mais finalement la composition rurale était relativement faible. Quelques colons de l'intérieur des terres, parmi lesquels Robert Martel, qui avait des militaires qui ensuite ont grossi les rangs. Et puis les métropolitains qui sont venus en Algérie, j'ai parlé tout à l'heure de Griotrey, mais également ensuite lorsqu'il y a eu l'OAS métropolitaine. Il y a eu effectivement un certain nombre d'éléments qui, eux, étaient des éléments venus vraiment de l'extrême, pas venus de l'extrême droite, qui étaient des gens de l'extrême droite. Ce que Jean-Raymond Tournou avait écrit dans un de ses livres, La Nouvelle Cagoule, il avait parlé de la Nouvelle Cagoule qui était née pendant la guerre d'Indochine et qui ensuite a structuré l'extrême droite française avec la renaissance de Rivarol, par exemple, que Le Pen a rendu célèbre récemment. Rivarol est renaît de ses cendres vers 1953-54, quelque chose comme ça. Donc tous les anciens du pétainisme se sont regroupés derrière la mouvance Algérie française. Je pense aux frères Sidos, par exemple. Et puis je pense à toute la mouvance poujadiste derrière Le Pen, derrière De Marquet, des gens comme ça. Alors Le Pen, aujourd'hui, bien sûr, il est très connu, donc on regarde plus vers lui. Mais bon, à l'époque, c'est un petit député très jeune. D'ailleurs, c'est le plus jeune député de France en 56. Mais il est déjà extrêmement actif dans la mouvance Algérie française. Il va même aller en Algérie, vous le savez, tout comme il avait été en Indochine deux ans plus tôt. Oui, enfin, quelques réponses. La presse coloniale, bien entendu, c'est elle qui donnait une certaine vision de la société, ignorant les indigènes et ignorant le sort qu'ils subissaient. Indigène étant le terme de l'époque, bien entendu. Oui, non, mais bon, là, on parle de cette situation historique passée, et c'est comme ça qu'on désignait les Algériens. Hein, les Algériens dits musulmans, qui étaient vus, qui étaient comme une catégorie dépourvue de droits ou n'ayant pas les mêmes que les Européens. Donc, je repense à Marthe de Villalonga quand elle parle de la violence qui menaçait, dont les Européens d'Algérie avaient le sentiment qu'ils étaient menacés. C'est évidemment à travers la presse, parce que La mise en scène, je pense par exemple à ce qui s'est passé en août 55, quand il y a eu une insurrection dans le Constantinois, qui en deux points, parce que il faut aussi reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé, ont conduit à des violences contre des Européens, à Inhabid et puis El Alia, eh bien, c'est ça, ce sont les seules images qu'ont vues les Européens. Et ce qui avait précédé pendant des mois la répression à Philippeville et dans la région, etc., eh bien, on n'en parlait pas, les gens ne le savaient pas, donc ne voyaient que cela. Donc ça a construit une représentation qui était au cœur de la peur, du sentiment d'encerclement des Européens qui ont ensuite été actifs dans l'OAS ou qui l'ont soutenu. Alors, l'Afrique noire, l'AOF, l'AEF, on ne peut pas dire que c'est complètement différent, parce que, évidemment, c'est pendant, au milieu de la guerre d'Algérie, quand la perspective de la décolonisation a été admise, qu'a été mise sur place une indépendance qui maintenait en même temps le pouvoir dans la mesure du possible français, c'était le début de ce qu'on appelait la France-Afrique. Hein. Et à ce moment-là, il y a eu une guerre, une autre guerre que la guerre d'Algérie, moins connue, la guerre du Cameroun, qui, elle, a été remportée par l'armée française, qui a su diviser les populations, etc. Donc, bon, c'est je pense pas qu'on puisse... Et puis, alors, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu une colonie de peuplement dans ces territoires français d'Afrique, quoi. Donc, ça changeait les choses. Alors, parmi les... Quand il a été question de la nationalité algérienne, la nationalité française que certains résidents ici revendiquent, alors que l'indépendance a été réalisée en Algérie, donc il y a un certain malaise qui alimente hein, ce racisme anti-musulman et anti-arabe. Ça renvoie pour moi aussi, ça me fait penser, même si c'est pas tout à fait une réponse à la question posée, aux responsabilités de l'Algérie indépendante dans les représentations telles qu'elles ont pu se perpétuer ou rejaillir. C'est-à-dire que ce régime, par rapport à un certain nombre de fonctionnement arbitraire. Il y a eu longtemps le parti unique. Il y a eu en même temps une situation économique que beaucoup de gens étaient amenés à essayer de fuir quoi, par les migrations, ou une situation politique que beaucoup de gens étaient amenés à fuir. Bon, ce régime a joué un rôle aussi de repoussoir et a permis d'alimenter une certaine vision ancienne selon laquelle la colonisation va céder forcément mieux, etc. Les problèmes actuels, ils sont très proches, effectivement. Ils ont des rapports étroits avec cet esprit colonial. On le voit dans l'extrême droite, dans les pratiques municipales, par exemple, je pense à celle de M. Bompard à Bolène, qui reconstruit en quelque sorte une sorte de séparation, parce que dans l'Algérie coloniale, il y avait ce qu'on appelait les villages nègres ou les zones où habitaient les indigènes, musulmans, comme vous voudrez. C'était la vision de l'époque. Et puis, il y avait les villes européennes. Et cela, on le voit en train d'être reconstruit par un certain nombre de politiques d'aménagement des transports ou de gestion de l'espace et des lieux de sociabilité dans les municipalités d'extrême droite. Hein. Donc on reconstruit de l'apartheid colonial, pour reprendre ce terme un peu rapide. Et l'échec des accords d'Évian, redoutés, les conséquences possibles d'une séparation politique serait comparable à celle de l'Algérie après la remise en cause des accords d'Évian, est aussi le fruit, Alors, de cette violence de l'Ouest, bien sûr, parce que c'est eux qui sabotent la transition que rêvait de mettre en place de Gaulle à travers un processus exécutif provisoire, transfert, etc., de responsabilité progressive. Bon, c'est eux qui sabotent, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que dans le mouvement national algérien, et ça, ça renvoie aussi à une autre part de responsabilité, côté algérien, dans cet imbroglio auquel on est confronté aujourd'hui, il y a eu, dès le départ dans le mouvement national, des tendances arbitraires. Il y a tout un arbitraire qui se construit, et même avant le FLN, hein, il y a une idéalisation du messalisme qui me semble problématique. J'ai eu des échanges avec Benjamin Stora sur ce point, parce qu'on n'avait pas la même approche exactement. Il ne faut pas non plus ignorer que, par exemple, le pluralisme linguistique, ethno-linguistique et politique réclamé au sein du mouvement PPA-MTLD en 1949 par ceux qui ont été stigmatisés, exclus sous l'étiquette de berbéristes en 1949, eh bien, c'était une étape de cet arbitraire, de la construction de cet arbitraire. Et l'arbitraire, bien sûr, s'est épanoui, si je puis dire, dans l'Algérie indépendante, avec des chocs. Octobre 88 en a été le principal, avec des conséquences jusqu'à aujourd'hui.